C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai de te savoir, comme ça sent le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare, va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie de casquer pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de poniment pendant que je marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y'a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, oh, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu, comme papa quand j'étais petite. Et que j'allais communier à Sainte Marguerite. En t'écrivant ces mots, je frémis par tout mon être. Quand tu les liras, j'aurai mis le nez à la fenêtre. Je suis réveillée depuis minuit, ma pauvre Toinette. J'entends comme une espèce de bruit à la roquette. Le président n'aura pas voulu signer ma grâce. Sans doute que ça y aura des plus que je me la casse. Si l'on gracillait à chaque coup, ça serait trop chouette. Temps en temps, faut qu'on coupe un coup à la requête. Là-haut, le soleil blanchit les cieux, la nuit s'achève. Ils vont arriver, ces messieurs, v'là le jour qui se lève. Maintenant, j'entends distinctement le peuple en goguette qui chante sur l'air de l'enterrement à la roquette. Ça, vois-tu, ça ne me fait rien, ce qui me paralyse, c'est qu'il faut qu'on coupe avant le mien le col de ma chemise, en pensant au froid des ciseaux à la toilette. J'ai peur d'avoir froid dans les os à la requête. Aussi je vais me raidir pour marcher sans que ça m'émeuve. C'est pas moi qui voudrais flancher devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette avant d'éternuer dans le sac à la requête. Il avait pas encore 20 ans, il connaissait pas ses parents. On l'appelait Toto la ripette à la Villette. Il était un peu sans façon, mais c'était un joli garçon. C'était le plus beau, c'était le plus chouette à la Villette. Il était pas ce qu'il y a de mieux mis. Il avait pas des beaux habits, il se rattrapait sur sa casquette à la Villette. Il avait deux petits yeux de souris, il avait deux petits favoris, surmontés d'une fine rouflaquette à la Villette. Il avait un gros chien de Bouvier qui avait une grosse gueule de terrier. On ne peut pas avoir une levrette à la Villette. De son métier il faisait rien, dans le jour il baladait son chien, la nuit il comptait ma galette à la Villette. Il m'aimait autant que je l'aimais, nous nous aurions quittés jamais, si la police n'était pas faite à la Villette. Qu'on le prenne grand ou petit, rouge ou brun, on peut pas en conserver un, ils s'en vont tous à la requête à la Villette. La dernière fois que je l'ai vu, il avait le torse à moitié nu et le cou pris dans la lunette à la requête.